Jonathan Livingstone, le goéland, de Richard Bach. Alors, je voudrais tout de suite commencer par parler un petit peu de l'auteur parce que c'est amusant. Donc, Richard Bach est un Américain. Alors, c'est un pilote dans l'armée, dans l'US Air Force, l'armée aérienne américaine, l'armée de l'air américaine. Il est quand même, alors je sais plus, l'arrière-arrière, enfin bref, c'est un descendant de Bach, Jean-Sébastien Bach. Alors c'est quand même très, je sais pas, c'est surréaliste. Et il termine aux États-Unis, il y a un côté entretien avec un vampire, pour ceux qui l'ont lu. Bref, donc, voilà pour l'auteur. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est qu'a priori, ce livre-là, effectivement, c'est son premier, je crois, et a eu un énorme succès tout de suite, succès qui n'a pas été retrouvé par la suite, malgré de nombreux autres livres, je crois. Bon. Alors, le livre. Alors, c'est un petit livre, pas très long, hein, il fait, je sais pas, 80 pages, peut-être moins, enfin bon. Espèce de grosse nouvelle, quoi. Alors, c'est l'histoire d'un goéland, Jonathan. Il n'y a pas d'humain, hein, c'est uniquement des histoires de goéland. Donc, t'as un goéland qui est passionné par le vol. Et qui, contrairement aux autres goélands, ne se soucie pas, ou très peu, de se nourrir, de se battre avec les autres pour un poisson, de passer ses journées derrière les bateaux de pêche. Voilà, et il respecte pas vraiment les coutumes, quoi. C'est un goéland libre. Et de fait, il vole mieux que les autres, hein. Il vole beaucoup mieux que les autres. Ses parents le mettent en garde, lui disent, mais quand même, Jonathan, tu dois faire attention. Et puis, lui, il n'arrive pas à s'empêcher de voler, donc il continue, il prend des risques. Son but, c'est de voler de plus en plus vite, par exemple. Donc en piqué. Mais il a des limites très vite, les ailes fassées, vraiment, il a des limites, quoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il a deux doigts de mourir, il s'écrase dans l'eau, bon, il n'est pas bien, et puis il dit, bon, allez, ça suffit, je vais redevenir un goéland comme les autres. Mais ça dure pas, il a un accès d'une envie de tenter quelque chose. Et effectivement, il comprend qu'en piquant, il faut rentrer les ailes, enfin bon, je vais passer sur les détails techniques, qui sont assez... C'est étonnant parce que c'est un livre onirique, magique, et en même temps, on parle de kilomètre-heure. C'est ce qu'il y a de plus technique parce que, après, bon, c'est sûr qu'on parle des vrilles et tout, mais là, quelque part, bon, on est plus dans le rêve encore parce qu'on imagine le vol du goéland. Mais quand on parle de kilomètre-heure, c'est vrai que, bon, c'est amusant. Alors, il atteint les 200, il atteint les 250. Enfin, bon, il y a toute une quête dans la vitesse. qu'on comprend mieux finalement quand on sait que Bach était un pilote de chasse, quoi, a priori. Voilà, ça se comprend mieux, quoi, cette passion pour la vitesse. Et c'est très associé par l'auteur à la liberté, bien sûr, hein, goéland, il est différent, c'est un goéland libre, etc. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il finit par faire une manœuvre qui dérange à tout le monde. Et il est convoqué par le Grand Conseil. Il est sommé de quitter le monde des goélands. En fait, il est banni. Il ne doit plus jamais revenir. Voilà. Donc c'est terrible pour lui, c'est terrible. Alors il part, il vole. Et il est très triste, bien sûr, mais bon, il continue à voler et tout. Puis au bout d'un certain temps, c'est un peu compliqué. Il s'en va dans les nuages, il vole, et puis il y a deux goélands blancs et d'un blanc immaculé qui le rattrape, qui lui parle, qui le suivent, qui vole comme lui, dit qu'il n'est pas seul. Puis finalement, il traverse des nuages et il se retrouve. Oh, tiens, il voit des falaises et il voit d'autres goélands. C'est pas les goélands qu'il connaît, et ils volent très bien. Il s'installe avec eux. Là, effectivement, c'est un autre monde. Hein. Il connaît pas la côte, il connaît pas ses goélands. Bon, très bien. Mais effectivement, ils sont bien meilleurs que lui en vol. Alors là, c'est une grande surprise. Mais un grand bonheur pour lui d'apprendre d'apprendre à faire ça. Donc il se donne corps et âme. Et puis il y a une espèce de grand sage dont on lui parle. Alors il se fait un ami, j'ai oublié le nom, mais il se fait un ami. Et puis on finit par lui parler d'un grand sage aussi. Il va voir le grand sage et le grand sage lui dit: Oh, bah, c'est rien ça le vol, hein. Tu sais, moi, maintenant, est-ce que tu peux être à cet endroit-là et ailleurs la seconde qui suit? Et en fait, tu vois que l'autre, le goéland, le vieux sage, est capable de se télétransporter, se déplacer infiniment vite, si on veut. Alors Jonathan, il est fou, il est fou, il veut savoir comment faire. Alors l'autre lui explique un petit peu. Bon. D'ailleurs, la méthode est simple, hein, il suffit de se penser à d'autres endroits. Bon, bref. On se croirait un peu dans les dragons de Perne, justement, avec le vol dans l'interstice. Bon. Alors, donc, Jonathan, il progresse très vite et il finit par y arriver. Et c'est le seul de tout le groupe, en plus du vieux sage, à réussir ça. Donc il est tout de suite vu comme une espèce de surdoué, malgré le peu de temps qu'il a passé là, contrairement à d'autres. Et d'autres disent qu'ils ont déjà passé plein de vies avant d'avoir ce niveau-là. C'est-à-dire que ils meurent, ils reviennent là, et ainsi de suite. Ça fait penser à des choses. Et puis à un moment, le vieux sage lui dit: Bon, écoute. Il réunit tout le monde, il dit que voilà, il est temps pour lui de partir ailleurs. Il a fini sa très très très longue vie dans ce monde. Donc il s'en va. Il s'en va et Jonathan, un peu bouleversé, et puis en partant, bah, le vieux sage sait que c'est lui le dépositaire du savoir. Puis il lui dit: Jonathan, n'oublie pas. L'essentiel, c'est le cœur. Je crois qu'en gros, il lui dit ça. Alors, c'est incroyable, parce que ça tombe un peu comme ça, là. C'est-à-dire que, bon, il y avait le vol. Ensuite, on est tombé dans une espèce de vol instantané, dans une espèce de super pouvoir. Bon. Et puis, au dernier moment, le super pouvoir, c'est pas ça, c'est le cœur. Super, super pouvoir. Alors là, je me souviens plus vraiment, mais en gros, Jonathan progresse aussi. Travaille ça. Travaille l'amour, quoi. Et puis, à un moment, un jour, il se sent prêt. Il se sent prêt à retourner vers son ancien monde. Il dit: Il faut que je partage maintenant. Il faut que je partage ce que je connais. Alors, il y a son ami qui est triste. Il veut pas que l'autre parte. Et puis, Jonathan, il dit: Mais qu'est-ce que l'amitié si elle dépend du temps et de l'espace? Qu'est-ce que l'amour aussi? Ouf. Donc voilà. Incroyable. Et donc il part. Et il arrive près de son ancien clan. Et là, je crois qu'il y a des jeunes qui sont en train de faire les fous comme lui faisait en son temps. Et ils sont bannis aussi. Donc je crois qu'ils sont plusieurs. Un petit groupe. Jonathan les rattrape. Et ils se rendent bien compte qu'ils ont affaire à un goéland particulier. Et Jonathan leur parle et leur apprend des choses sur le vol d'abord. On commence par le vol. C'est un peu comme la maîtrise de l'esprit si on veut commencer à filer la métaphore. Et au bout d'un certain temps, ils ont réussi à un certain niveau. Jonathan dit: Allez, il faut retourner vers le clan. Et puis les autres sont terrorisés. Ils disent: Non. On est exclu, on ne sait pas ce qui se passerait. Mais Jonathan s'en moque, il y va, avec eux d'ailleurs. Serein, il n'a plus peur. Il n'a pas peur. Et alors là, je ne me souviens plus, il y a un moment, les autres goélands sont à deux doigts de tuer quelqu'un, mais bon, Jonathan est assez rapide pour. L'un de ses élèves aussi, je crois, est assez rapide pour éviter ça. Et puis il commence à convertir d'autres goélands dans le clan. Parce que bon, il y a alors malgré une sorte de fatwa carrément qui est lancée contre ceux-là, faut jamais me reparler, mais il y en a qui cèdent parce qu'ils sont fascinés par le vol. Bon, voilà. Et donc il a son disciple, Jonathan, il a son disciple qui apprend beaucoup, qui apprend très vite. Puis un jour, Jonathan lui dit: Bon, écoute, maintenant c'est à toi de continuer. Moi, je dois partir. Je dois partir dans d'autres mondes. Donner le savoir, donner le cœur, donner l'amour, donner l'éveil. L'éveil, non, c'est pas dit, mais c'est moi qui. Et là, l'autre goéland lui dit, mais non, non, tu peux pas, j'ai tellement besoin de toi. Il dit, oui, mais imagine si j'étais pas venu te voir, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que tu aurais fait tout ça? Tu veux refuser cette chance aux autres? Bon. Alors, évidemment, c'est un argument un petit peu imparable en face d'un goéland comme ça. Donc, il s'en va et le livre s'arrête là-dessus. Voilà. C'est un livre incroyable parce qu'il est à la fois un petit peu naïf. Ouais, c'est pas. On n'est pas dans un lyrisme complexe, hein, loin de là. Et en même temps, une analogie avec le bouddhisme, incroyable. Parce que qu'est-ce que c'est que ces goélands qui reviennent de leur propre gré vers une espèce de monde inférieur dont ils sont issus il y a longtemps pour aider les goélands à atteindre des niveaux supérieurs vers la liberté d'esprit, le cœur. C'est vraiment des bodhisattvas, quoi. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se libérer soi-même et ensuite libérer tous les autres, quoi. De la pesanteur de la vie, de la pesanteur de devoir se battre, chicaner entre eux, se contenter d'avoir des pensées vulgaires, médiocres. Voilà, je trouve ça, c'est vraiment ça, quoi. C'est le bouddhisme métaphorique. Bon. Alors, j'ai essayé de voir. J'ai vu des petites références sur Internet, entre Richard Bach et le bouddhisme, mais j'ai pas creusé. Donc, je peux pas dire s'il était bouddhiste. J'ai pas non plus fait attention à la date de parution du livre, mais je pense que ça date, hein. Vraiment, ça doit être au moins 30 ans, je dirais. Au moins, mais c'est peut-être 40, bon, voire 50. Bon, j'en sais rien, il faut que je regarde. Mais j'ai du mal à croire qu'il est. Et ce serait fantastique. Si, enfin, bon, ce serait compliqué, parce que si. De deux choses l'une. Soit il connaît le bouddhisme, et il a voulu faire une espèce de prosélytisme. C'est subtil finalement, parce que si on connaît pas le bouddhisme, bon bah c'est une belle histoire, mais on pénètre les esprits, quoi, hein, c'est pas mal. Bon, mais à la limite, bon bah c'est jamais qu'un prosélyte de plus. S'il ne connaît pas le bouddhisme, ou du moins, bon, ou alors si c'est quasiment inconscient, c'est-à-dire que bon, il a entendu des choses, tout ça, qui lui plaisait, puis finalement il a pondu ça sans vraiment réfléchir au fait que c'était bouddhisme. Là, c'est assez incroyable quand même, enfin, faut reconnaître. Là, c'est. Moi, je suis ici, et si c'est ça, vraiment, c'est. Bon. Aujourd'hui, bon, j'ai pas d'opinion, mais. Enfin, j'ai pas d'opinion. Si, je pense quand même qu'il avait de. T'es très conscient de ce qu'est le bouddhisme pour écrire ça. J'ai du mal à croire que qu'on puisse écrire ça sans savoir exactement de quoi il retourne, quoi. Bon. En tout cas, peu importe. C'était un petit livre merveilleux. Bah, très beau, quoi. Finalement, si on oublie la notion de réincarnation qui est quand même. Enfin, je sais pas. Bon, il y a un côté croyance quand même. Si on oublie ça, celui qui est libre, c'est quand même celui qui échappe à la pesanteur d'une tradition morbide, à la pesanteur d'un quotidien envahissant, celui qui réserve sa liberté à des choses nobles, qui l'élèvent. Et on aboutit en fin de parcours à travers le cœur. Non, c'est vraiment intéressant. Ça dit pas beaucoup plus que tout ça, hein, je crois pas. Bon, il y a la métaphore aussi parce que quand il va vite, il doit aller très haut avant de se laisser tomber. Donc il y a la hauteur, il y a le fait qu'on voit mieux le monde vu d'en haut. Plus on est haut, plus on voit. Bon, ok, mais. Ça donne pas grand chose, je trouve, comme métaphore par rapport à. En tout cas, voilà. Bon, un livre incroyable. Puis agréable à lire, hein, j'avoue que je suis pas un gros lecteur en volume, mais j'avoue que le terminer en 2 soirs, c'est bon. C'est quand même prenant, même s'il n'était pas très long. Voilà. Donc c'était Jonathan Livingstone, le goéland de Richard Bach. Est-ce que j'ai autre chose à dire dessus? Non. Pour l'instant, non. Si je me renseigne, il faudrait que je complète avec les informations que j'ai trouvées sur le monsieur Bach. Voilà.